de Canoubine au Cèdre. Nous partîmes dans la journée du monastère et nous nous engageâmes dans la montagne, laissant Canoubine sur notre gauche. Nous revîmes le Nahr el-Kadisha que nous traversâmes une dernière fois, nous dirigeant vers le couvent de Mar el-Isha, que nos guides nous assurèrent être un lieu de repos pour les voyageurs allant au Cèdre par Bécharaï. En effet, nous commencions à en apercevoir les murs à travers un épais rideau de cyprès. Lorsqu'un bruit insolite nous fit retourner la tête, et nous aperçûmes avec surprise un ours énorme, une espèce de jaguar, à quelques pas de nous, M. Wood lui envoya précipitamment deux coups de son revolver, mais le mouvement de sa monture l'empêchant d'ajuster son cou, il le manqua, et nous perdîmes bientôt l'animal de vue. Cette rencontre me remit en mémoire les puériles terreurs de M. de la Roque, dont j'avais lu quelque temps auparavant le fastidieux voyage, et qui sans doute a confondu cette bête assez innocente avec les tigres qui l'effrayaient si fort. Nous arrivâmes au couvent sans autre aventure. Il est habité moitié par des carmes déchaussés, moitié par des moines de l'Institut de Canoubine. Ce furent ces derniers qui nous reçurent. Le couvent est situé sur la même montagne que Canoubine, mais bien plus élevé vers sa cime, ce qui n'empêche pas qu'il y ait alentour un espace de terrain assez vaste, fort uni, dont une partie sert de cour et forme une terrasse devant le monastère. La vue principale donne sur la montagne opposée et le fond du vallon, où le Nahr el-Kadisha roule ses eaux argentines. Les carmes ont leur logement entièrement séparé de celui des autres moines. Ils ne se réunissent les uns aux autres qu'à l'église. Celle-ci est toute petite et n'offre de remarquable que le tombeau de M. de Chasteuil, gentilhomme provençal, connu pour son érudition dans les langues orientales, et qui mourut là en odeur de sainteté. Le couvent s'appelle Mar el-Isha, en l'honneur du prophète Élisée. Il est fort agréablement situé au milieu des cyprès et des rochers sur lesquels l'eau bondit de tous côtés pour retomber en cascade retentissante. Nous tournâmes à droite en quittant le monastère et remontâmes longtemps le cours du Nahr el-Kadisha que nous avions peine à voir à cause de la grande élévation où nous nous trouvions. Le chemin devenait à chaque pas plus escarpé et plus fatigant. Aussi fut-ce avec joie que nous saluâmes la ville chrétienne de Bécharaï, ou Bécharaï, siège d'un évêque maronite, et notre dernière halte avant d'arriver au Cèdre. Nous restâmes en cet endroit près de 2 heures, qui furent employées à prendre quelques nourritures et à laisser souffler nos montures. Je dessinai là quelques types maronites, dont bientôt une foule de curieux s'empressant autour de nous, nous cédâmes à notre impatience et reprîmes la route des Cèdres, cette fois par des chemins plus praticables. Enfin, après avoir traversé une longue plaine et gravi une petite colline, nous aperçûmes au détour d'un petit sentier encaissé les arbres fameux, but de notre voyage.